بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours, c'est le cours 108, dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est donc dans une nouvelle section maintenant dans le livre. Et le cheikh, maintenant, il va expliquer la différence entre les termes par rapport à ce qui est kauni et par rapport à ce qui est shara'i. Hein? On a déjà expliqué que al-irada, la volonté d'Allah, quand on utilise le terme irada, c'est-à-dire le vouloir d'Allah, il est divisé en kauni et en shara'i. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa volonté par rapport à ce qui est dans sa création. Et qu'est-ce qu'il veut dans sa création? On a expliqué que ça peut être quelque chose qu'il aime, comme ça peut être quelque chose qu'il n'aime pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut des choses qu'il n'aime pas parfois dans sa création, et il permet à certaines choses d'exister, ou d'être, ou de se produire, même si c'est des choses qu'il n'aime pas. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour mettre à l'épreuve les créatures et pour les tester. Même si c'est des choses qui sont en apparence mauvaises, derrière leur existence, il y a quelque chose de bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a prédestiné et tout ce qu'il a créé, c'est ultimement bon. Même si ça peut nous paraître relativement mauvais. Tandis qu'il y a d'autres choses qui font partie de la volonté dans la révélation, dans la religion. Et dans ça, il n'y a que ce que Allah aime. Il n'y a rien que Allah n'aime pas dans ce qu'il a ordonné de la religion. Et pour connaître sa volonté dans la religion, c'est de regarder dans les textes, pour regarder dans la révélation. Qu'est-ce qu'il a révélé dans le Coran et dans la Sunna? Et c'est comme ça qu'on découvre et qu'on sait ce que Allah aime. Hein? Et ce qu'il n'aime pas aussi, parce qu'il nous a mentionné dans le Coran ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-iradatu al-shar'iyya. Al-iradatu al-shar'iyya, c'est dans la révélation. Al-iradatu al-kawniyya, comment on fait pour la connaître? Comment on fait pour savoir ce que Allah veut dans sa création? Eh bien, on a juste à regarder ce qui se produit dans la création. Si ça s'est produit, ça veut dire Allah l'a voulu. Il n'y a rien qui se produit dans la création excepté ce que Allah veut. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma sha'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun ». Ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir des choses qui sont en accord avec ce qu'il a révélé et qui sont des choses qu'il aime. Et il peut également vouloir des choses qui sont interdites ou qui sont des choses qu'il n'aime pas dans le but d'éprouver les hommes et de les tester. Hein? Donc il a voulu des choses... il a voulu que certaines choses existent, comme par exemple le diable, Iblis. Il a voulu que le kufr et le shirk existent. Il a voulu que les péchés existent et des choses de ce genre. Hein? Sauf que, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le mal? Est-ce qu'il aime le shaitan? Est-ce qu'il aime le péché? Est-ce qu'il aime le kufr? Est-ce qu'il aime le shirk? Non. Et c'est pour ça qu'il a révélé. Hein? Il a envoyé des messagers avec des livres pour expliquer à l'humanité qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et qu'est-ce qui est ordonné, qu'est-ce qui est interdit. Et pour leur faire connaître hein, sa volonté dans qu'est-ce qu'il a révélé. Mais il y a également d'autres termes qui rentrent dans cette division-là aussi. Donc ce n'est pas seulement la volonté qu'on peut classifier de cette façon, mais on peut également classifier de cette manière d'autres termes qui sont utilisés dans la religion. Par exemple, al-amr, hein, le commandement ou l'ordre. Ça peut être un ordre kauni, ça peut être un ordre qui est shara'i. De même que al-qada, le décret, ça peut être un décret qui est kauni ou un décret qui est shara'i. Al-idhn, la permission, ça peut être kauni ou shara'i. Al-tahrim, ça peut être kauni, ça peut être shara'i. Al-ba'th, le fait d'envoyer ou de susciter, ça peut être kauni ou shara'i. Al-irsal, hein, l'envoi, ça peut être le fait d'envoyer dans le sens shara'i ou dans le sens kauni. On va voir, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va mentionner pour chacun de ces termes des exemples dans les deux cas. pour nous faire comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et de même que Al-Kalam, et de même que Al-Ja'al. Hein? Et donc, c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va expliquer dans les cours qui vont suivre, certains des cours prochains qui vont être dans ce chapitre ou dans cette section, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit Faslun, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il commence maintenant une section. Il dit Faslun, Fasl, ça veut dire une section ou une partie. Hein? Il dit Waqad ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل. Donc il a mentionné 9 termes. الإرادة, الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل. فرق بين هذه وبين الكون بين الكون الذي خلقه وقدره وقضاه وإن كان لم يأمر به ولم يحبه ولم يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين. Donc il mentionne ici Ibn Taymiyyah rahimahullah que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre la différence entre la volonté, le commandement, le décret, la permission, l'interdiction, le fait de susciter, l'envoi, la parole, et le fait de placer ou de mettre, entre qu'est-ce qui est kauni, c'est-à-dire ce qui fait partie de ce que Allah a créé, prédestiné et décrété, et ce qu'il n'a pas ordonné, ou ce qu'il n'a pas aimé, et ce dont il n'a pas récompensé les gens qui font partie de ceux qui ont fait certains actes ou certaines de ces choses et qui ne font pas partie de ses alliés ou de ses serviteurs rapprochés, qui font partie des pieux qui se préservent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Donc, il faut savoir distinguer entre ces deux choses-là. On en a déjà parlé dans les cours précédents, mais là, le cheikh, il va rajouter certains détails à ce sujet, à propos de cette question. Nasheer Al-Fawzan, il va expliquer un peu plus d'exemples par rapport à ça et rajouter des clarifications. Donc, il dit « وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ الرَّدْ عَلَى مَنْ يَحْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ حُجَّةً لَهُمْ عَلَى فِعْلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَصِ وَالشِّرْكِ لأنهم يقولون إن الله قدر الكفر والإيمان والشرك والمعاصي فمعناه أنه يرضى بالكفر كما يرضى بالإيمان ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة أنه لأنه قدر الجميع وقضى الجميع على الناس فالطاعة عندهم موافقة القدر أو موافقة القدر والشيخ أراد أن يرد عليهم ويقول هناك فرق بين القدر وبين الشرع الله فرق بينهما في كتابه والطاعة هي موافقة الشرع وليست موافقة القدر القدر قد يكون طاعة وقد يكون معصية أما الشرع فلا يكون إلا طاعة الله فرق بين الأمرين في القرآن فرق بين القضاء بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإذن الكوني والإذن الشرعي وسيذكر الشيخ رحمه الله نموذج من القرآن تفرق بين الأمرين ردا على الذين يحتجون بالقدر. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, ou bien plutôt le Cheikh Al-Fawzan, pardon, ici il explique que le but de mentionner ces points-là de la part du Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est de réfuter les soufis qui essaient d'utiliser la prédestination comme une excuse ou comme un argument pour essayer de justifier leur péché. Hein? Ceux qui disent, par exemple, s'ils font un acte de kufr ou un acte de shirk ou un péché ou une désobéissance, ils disent, mais ça, c'est Allah qui m'a prédestiné ça, donc ça veut dire que, yani, moi, je me soumets à la prédestination, donc c'est pas quelque chose de mal que je fais. Je me soumets à la prédestination et c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. Donc ça veut dire que moi je suis un serviteur, donc je me soumets à la prédestination. Et on a déjà expliqué dans les cours précédents que ça c'est faux. On ne peut pas utiliser le qadar pour justifier nos péchés. C'est exactement, c'est comme les djabriyas. On a expliqué que le qadar, on peut l'utiliser comme une excuse ou comme un argument plutôt pour justifier lorsque quelque chose nous arrive comme malheur. Hein? Quelque chose qui nous a arrivé, qui est hors de notre contrôle, qui fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour nous. Comme par exemple si on tombe malade, ou si on a eu un accident, ou s'il arrive une catastrophe, ou quelque chose de ce genre, et qu'on dit ben, c'est le qadar. Hein? Dans ce cas-là, oui. Mais d'utiliser le qadar pour essayer de justifier un péché que tu as fait volontairement et de ton propre gré, et de prétendre que c'est pas de ta faute parce que Allah t'a prédestiné de faire ça, ça c'est une faux excuse. Aussi, tu peux utiliser le qadar et mentionner le qadar comme exemple si, après avoir commis le péché, tu t'es repenti du péché en question et que tu dis c'est quelque chose que Allah m'avait prédestiné. Hein? Une fois que tu t'en es repenti, oui, parce que tu as admis déjà ton tort et tu as accepté ta culpabilité, ta responsabilité vis-à-vis de ce péché-là. Et donc, tu reconnais que cette chose-là fait partie de ce que Allah avait prédestiné pour toi. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Le problème, c'est lorsque quelqu'un rejette sa culpabilité ou sa responsabilité dans le péché qu'il a commis en essayant d'utiliser comme excuse le fait d'avoir commis le péché et de dire que c'est prédestiné. Hein? Comme si le fait que Allah l'ait prédestiné pour toi, c'est comme si Allah t'avait forcé à faire le péché. Et ça, c'est totalement faux. Hein? On n'a pas le droit d'utiliser le qadar de cette façon-là. Et c'est ça ici que le Cheikh Ibn Taymiyyah veut réfuter de la part de ces gens-là. Et le Cheikh, il dit donc que ces gens-là, parmi ceux qui utilisent le qadar comme excuse pour justifier leur péché ou pour donner une excuse à leur péché, ils disent « Allah a prédestiné pour moi la mécréance ou la foi. Hein? » C'est lui qui prédestine pour moi la mécréance et la foi, le shirk et le péché. Donc, ils disent « ça veut dire qu'il a été satisfait de la mécréance parce qu'il l'a prédestiné. » Non, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose que ça veut dire qu'il l'a agréé ou qu'il en est satisfait ou qu'il aime la chose en question. Hein? Parce que Allah, comme on l'a expliqué, il peut prédestiner quelque chose malgré que c'est quelque chose qu'il n'a pas agréé ou qu'il n'a pas aimé, mais il l'a prédestiné dans une sagesse et dans un but qui est d'éprouver et de tester les serviteurs pour voir qui ceux d'entre eux sont sincères et qui ceux d'entre eux sont menteurs. Et donc, il dit ici le Cheikh que on ne peut pas utiliser l'argument du qadar pour justifier la mécréance ou pour justifier le péché, ou prétendre que Allah est satisfait de la mécréance ou du péché en question, comme il serait satisfait de la foi. Hein? Ou bien de dire qu'il est satisfait de la désobéissance, comme il est satisfait de l'obéissance. Hein? Parce qu'il prétend que tout ça, c'est prédestiné de toute façon. Donc, si tout ça est prédestiné par Allah, ça veut dire qu'il est satisfait de tout, pour tous les hommes. Et que pour eux, yani, le fait d'obéir, ça ne signifie pas de faire qu'est-ce que Allah a ordonné dans la révélation, mais pour eux, ça veut dire, l'obéissance, c'est général, dans le sens pour eux, ça veut dire même ce que tu fais comme péché, c'est considéré pour eux comme une obéissance. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on obéit à la prédestination. Et ça, c'est totalement absurde et totalement faux. Et ici, le Cheikh, il explique que l'imam Ibn Taymiyyah, il réfute ceux qui ont voulu justifier leur péché de cette façon. Et il les réfute en disant non, il y a une différence entre la prédestination et ce que Allah a légiféré dans la révélation et dans son livre. Et donc, cette distinction-là, elle est claire dans le Coran. Et l'obéissance, ce n'est pas d'accepter ou d'être en accord avec la prédestination, mais c'est plutôt d'être en accord avec la révélation et ce que Allah a légiféré dans son livre et dans la sunna de son messager. Et donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh, il dit, Al-Qadar, qad yakun ta'a wa qad yakun ma'asiyah. Ce qui a été prédestiné, ça peut être une obéissance, mais ça peut être aussi un péché. Parce que Allah a prédestiné le bien comme il a prédestiné le mal. Hein? Il a prédestiné le péché comme il a prédestiné l'obéissance. Il a prédestiné la mécréance comme il a prédestiné la foi. Il a prédestiné le tawhid comme il a prédestiné le shirk. Donc, le fait que Allah ait prédestiné quelque chose ne veut pas dire que c'est quelque chose qui fait partie de l'obéissance ou que c'est quelque chose qui est agréé de la part d'Allah. D'accord? Et il dit, tandis que ce que Allah a légiféré dans la révélation, ça ne peut être que l'obéissance. Ça ne peut être que le bien. Tout ce que Allah a ordonné dans sa révélation, dans le Coran, dans la Sunna, ne peut être que ce qui est en accord avec l'obéissance et ça ne fait partie que de ce qui est bien seulement. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué dans le Coran entre son décret dans la création et dans la prédestination et son décret dans la révélation et la législation divine. Et il a distingué également entre la volonté qu'il a en ce qui concerne la création et ce qu'il a prédestiné et l'autre volonté qu'il a fait connaître par l'intermédiaire de sa révélation, par l'intermédiaire des messagers. Et également la même chose pour la permission. Ce qu'il a permis dans sa création et dans la prédestination et ce qu'il a permis par rapport à sa religion et qu'est-ce qui est permis par rapport à la révélation. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va mentionner un modèle ou un exemple de chaque cas pour aider avec le Coran et montrer la distinction entre les deux avec les versets du Coran pour réfuter ceux qui utilisent le qadar comme argument dans le but de justifier ce genre de péché-là. Et donc le Cheikh il dit وَبَيْنَ الدِّينِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. Donc ici il dit, le cheikh il dit que il faut distinguer entre ce qui est kauni et ce qui est dini ou shar'i, c'est-à-dire ce qui fait partie de sa religion et qui a été ordonné par la religion ou légiféré dans sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis une récompense à celui qui fait ce qui a été ordonné dans sa révélation, et il a honoré ceux qui obéissent à ces ordres-là et qui s'abstiennent de ce qu'il a interdit, et il a fait d'eux ses serviteurs rapprochés parmi les pieux, parmi ceux qui font partie de son parti, de ceux qui auront le succès et de son armée qui auront le dessus. Donc il faut faire la distinction entre ces deux catégories-là, ceux qui font partie des pécheurs et ceux qui font partie des gens obéissants, ceux qui sont en accord avec la révélation et ceux qui désobéissent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit cette distinction-là, de la faire cette distinction, c'est une des distinctions les plus importantes pour être capable justement de distinguer entre les alliés d'Allah et ses serviteurs qui sont rapprochés de lui et ses ennemis. Si tu ne peux pas distinguer entre ces deux choses, qu'est-ce qui est kauni et qu'est-ce qui est shar'i, eh bien, tu risques de confondre les deux, de mélanger les deux, comme les soufis, par exemple, ou bien les jabriyas, ou bien les jahmiyas, et beaucoup d'autres groupes qui ont dévié à ce sujet-là, c'est-à-dire à propos du qadar. Et il dit, le cheikh, il dit, « Faman ista'mala, celui qui a été employé par le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que Allah aime et dans ce qu'il a agréé et qui meurt sur cela, eh bien, il va faire partie de ses serviteurs rapprochés. Tandis que celui qui fait des œuvres que Allah déteste et qu'il n'aime pas et qui meurt sur cela fera partie de ses ennemis, fera partie de ceux que Allah n'aime pas. Et le cheikh, il fait un petit commentaire sur ces deux points-là qu'on a mentionné en dernier. Il dit « Allahu farraqa bayna hadhihi al-ashya al-kawniya wa al-shara'iya wa farraqa bayna awliya'ihi wa awliya' al-shaytan » فالذين يتبعون شرعه وأمره هؤلاء أولياء الرحمن والذين يتبعون قدره ويخالفون شرعه ويقولون لا فرق بينهما هؤلاء أولياء الشيطان. Hein? Donc, pourquoi le cheikh il mentionne ces distinctions-là? Pourquoi c'est important de les faire, cette distinction? Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi les soufis qui prétendent faire partie des awliya d'Allah et de faire partie des serviteurs rapprochés d'Allah et qui vont commettre les pires péchés et faire les actes les plus loin dans l'égarement du kufr, du shirk, des fawahish et toutes sortes de turpitudes, puis qui disent nous sommes des saints, nous sommes des serviteurs d'Allah, rapprochés de lui, nous sommes des awliya d'Allah. Alors on leur dit, mais comment vous pouvez être des awliya d'Allah alors que vous faites tout ce que les messagers ont interdit? Ils disent, non, nous ce qu'on fait en réalité, c'est d'être en accord avec ce que Allah a prédestiné. Donc, par conséquent, on est, malgré tout ce qu'on fait de mal, malgré tout ce qu'on fait de contradictoire à la révélation, on est des serviteurs rapprochés d'Allah parce qu'on est en accord avec qu'est-ce que Allah a prédestiné. C'est comme celui qui dit, par exemple, comme j'avais mentionné des exemples, des fois tu trouves des kuffars qui vont dire ce genre de shubuhat. Hein? Une prostituée, par exemple, qui va dire, la prostitution, c'est pas un péché parce que finalement, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Hein? Donc, je suis dans l'obéissance d'Allah. Ou bien quelqu'un qui dit, par exemple, la drogue, c'est pas interdit parce que finalement, de fumer de la drogue, comme par exemple du hashish ou bien de la marijuana, ça fait partie de ce que Allah a créé, ça fait partie de la nature. Et donc, si Allah l'a créé, ça veut dire que Allah l'aime. S'il ne l'aimait pas, il n'aurait pas créé. Hein? Et donc, c'est important de distinguer entre ce que Allah aime par rapport à ce qu'on sait de ce qu'il a ordonné dans sa révélation et ce que Allah déteste, mais qu'il a permis d'exister, hein, et qu'il a créé dans le but de tester et d'éprouver ses serviteurs, comme par exemple les différentes drogues, la cocaïne, la marijuana, par exemple le porc. Quelqu'un pourrait dire, ben Allah il a créé le porc, si Allah il l'a créé, ça veut dire qu'il l'aime. Non, c'est pas nécessaire qu'il l'a créé, qu'il l'aime nécessairement. Il y a des choses qu'Allah a créées, mais qu'il n'aime pas, hein, et qu'il a interdit. Et comment on fait pour savoir que Allah l'aime pas? Et comment on fait pour savoir que Allah l'a interdit? Ben, on regarde dans qu'est-ce qu'il a révélé par l'intermédiaire de ses messagers. Et eux, ils nous clarifient, hein, que yani, Allah a interdit certaines choses. Et il a permis certaines choses. Il a ordonné certaines choses. Et il a interdit d'autres. Et c'est de cette manière qu'on peut distinguer entre ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Et c'est ça en réalité dont on parle lorsqu'on dit qu'est-ce qui est kauni et qu'est-ce qui est sharai. Ok, donc tout ça c'est un exemple. Ici par exemple, le cheikh il explique donc que ceux qui suivent la révélation et ce que Allah a légiféré et qui respectent les ordres d'Allah, ceux-là sont les alliés d'Allah, les alliés de Ar-Rahman. Tandis que ceux qui prétendent suivre sa prédestination et qui contredisent ce qu'il a légiféré dans sa révélation et qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les deux, ceux-là, c'est les alliés du shaitan en réalité. C'est les alliés du shaitan. Après, dans l'autre point que le cheikh a mentionné par rapport à ce point-là, il dit « فَاللَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْمُطِيعِينَ وَالْعَاصِينَ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ سَوَاءَ وَإِنْ كَانَ قَدَّرَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ والكفر والإيمان فهو فرق بينهما في الجزاء فهو فرق بينهما في الجزاء هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فلا يكونوا سواء أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا خلاف العدل الله عز وجل حكم عدل لا يمكن أن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والمؤمن والمنافق ولا يمكن أن يسوي بينهم لأن المطيع أتبع أمره أو اتبع أمره وشرعه ودينه والعاصي اتبع معصيته والكفر به والشرك ففرق بين العملين فرق بين العبدين وفرق بين الجزائين عند الله سبحانه وتعالى فعدم التفريق بين هؤلاء إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى وقد نجمت هذه نجمت في هذا العصر فكرة خبيثة وهي الحرية وأن الناس أحرار وأنهم لا حجر عليهم أو لا حجر عليهم ولا مصادرة لآرائهم وأفكارهم ولا يتقيدون بالشرع وأن كل إنسان يقول ما وأن كل إنسان يقول ما يفعل ويكتب ما يريد ولو كان كفرا وإلحادا وهذا من حرية الرأي ويقولون من حرية الكلمة وهذا خروج عن الشرع سبحانه وتعالى خروج عن شرع الله سبحانه وتعالى وهذا يشبه قول هؤلاء حزب الشيطان الذين لا يفرقون بين الشرع والقدر. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différence entre les croyants et les kuffars, entre les obéissants et les désobéissants. Il ne les a pas traités de la même manière ou il ne les a pas rendus égaux. Hein? Et donc le Cheikh, il dit, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui leur a tous prédestiné l'obéissance et la désobéissance, la croyance et la foi. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a prédestiné à tous cela. Sauf qu'il a fait une distinction entre les deux dans la rétribution que chacun d'entre eux va recevoir au jour de la résurrection. Ceux-là seront au paradis, tandis que les autres seront en enfer. Et donc, ils ne seront pas égaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 35 et 36 dans surat Al-Qalam, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Allons-nous mettre ou placer ou traiter les musulmans de la même manière que les criminels? Qu'avez-vous? Hein? Comment jugez-vous? Donc ça, c'est pas convenable de dire ça à propos d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala traiterait les musulmans de la même manière que les kuffars et les mushrikines, ou que de la même manière que les munafiqines. Non, il y a une différence. Dans l'au-delà, il y a une différence. Et même parfois dans la dunya, il y a une différence. Et il dit, c'est contraire à la justice. C'est contraire à la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Hein? C'est un juge qui est juste. Ça veut dire que celui qui a fait le bien et qui a fait les efforts, et qui s'est abstenu de désobéir et qui a fait les actes ordonnés, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le traiter de la même manière que celui qui a désobéi et qui ne s'est pas abstenu de faire ce que Allah a interdit. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. S'il donnait aux deux la même récompense, s'il traitait le mécréant de la même manière que le croyant et qu'il les mettait tous les deux au paradis, est-ce que ce serait juste? Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste pour les croyants. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce ne serait pas juste pour les croyants. Ce ne serait pas juste pour les croyants parce que tu dis, le croyant qui a fait tous les efforts pour adorer Allah, faire ce que Allah lui a ordonné, s'abstenir de ce que Allah a interdit, et travailler fort pour être un homme pieux, un homme droit. Tandis que le kafir qui a renié la foi en Allah, qui a désobéi en faisant tous les péchés, qui s'est abstenu de faire tout ce que Allah lui a ordonné de faire, et à la fin, il a la même récompense que le croyant, ça, c'est pas de la justice. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Hein? Donc, pour cette raison, il y a une distinction, et il y a une différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'il ne va pas traiter de la même manière le croyant et le mécréant, l'obéissant et le désobéissant, le croyant et l'hypocrite. Il ne va pas les traiter de la même manière et il ne va pas les mettre à égalité. Hein? Parce que celui qui est obéissant, c'est celui qui a suivi son ordre et ce qu'il a légiféré et ce qu'il a révélé dans sa religion. Tandis que le désobéissant, c'est celui qui a fait ce que Allah a interdit, qui a désobéi Allah, qui a renié la foi en lui et qui a commis du shirk avec Allah. Et donc, il y a une distinction, une différence entre les deux. Hein? Il y a une différence entre les deux serviteurs, serviteur obéissant et serviteur désobéissant. Hein? Parce que même les kuffars sont des serviteurs d'Allah. Hein? Même les kuffars sont des serviteurs d'Allah. Même les mushrikins sont des serviteurs d'Allah dans le sens qu'ils sont ses créatures. Ils sont ses esclaves. Ils sont ses serviteurs. Sauf que les musulmans sont des esclaves serviteurs d'Allah qui se sont soumis volontairement à Allah, qui ont accepté de se soumettre à Allah avec foi. Tandis que les autres sont des esclaves d'Allah, mais qui refusent de se soumettre. Mais dans les deux cas, sont des serviteurs et des esclaves. Et il y a une différence entre ces deux esclaves-là. De la même manière qu'il y aura une différence dans les rétributions que chacun de ces serviteurs vont obtenir dans l'au-delà de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas faire de la distinction entre les deux catégories, eh bien, c'est une forme de déformation des signes d'Allah. C'est comme si on déformait la réalité de ce que Allah a mentionné dans sa religion. Et de là, on voit apparaître à notre époque cette idéologie qui est mauvaise, hein, et qui est corrompue de la liberté, hein, que certains prônent parmi certains koufars en grande partie, qui disent que les êtres humains sont tous libres de faire ce qu'ils veulent et de croire en ce qu'ils veulent et d'avoir l'opinion qu'ils veulent. Et ils n'ont pas du tout à se restreindre ou à se limiter à une religion ou à une révélation quelconque. Chaque être humain peut dire ce qu'il veut, écrire ce qu'il veut, hein, même si c'est du kufr, même si c'est de l'athéisme, même si c'est de la mécréance, même si c'est du shirk. Hein, ils disent, tout le monde a cette liberté de s'exprimer et de dire ce qu'il pense et de dire ce qu'il veut. Et ils disent que ça, c'est la liberté d'expression. Et donc, le cheikh, il dit ça, c'est une sortie de la révélation, une opposition à ce que Allah a révélé, et ça ressemble beaucoup à ce que ces gens-là, parmi le parti du shaitan, les awliya du shaitan, ce qu'ils disent, ceux qui ne font pas justement de distinction entre ce qui est révélé et ce qui est prédestiné. Et donc cette mentalité-là, elle existe. Chez certains, on dit en grande partie c'est les koufars qui ont cette idéologie-là. Mais il y a parmi certains, parmi les gens qui sont, disons, qui viennent de pays musulmans, qui ont, disons, adhéré à cette idéologie ou qui ont accepté cette idéologie-là. Hein? Et c'est pour ça que tu les entends dire des paroles de kufr, exprimer des paroles de kufr et dire des choses qui sont contraires à la foi, puis qui essaient de justifier ça en disant « Mais nous, on a la liberté d'expression ». Où est-ce que vous avez obtenu cette liberté d'expression, hein? Qui vous l'a donné? Est-ce que c'est Allah qui vous l'a donné, cette liberté d'expression? Peut-être que Allah, il vous a permis, dans la prédestination et dans ce qu'il a créé, il vous a permis de dire ces paroles de kufr et de dire ces choses qui sont contraires à ce qu'il a révélé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de ça. Et ça ne veut pas dire qu'il a agréé. Bien au contraire, il a interdit clairement ça, c'est ce genre de propos et ce genre de paroles. Et il n'a pas donné la liberté aux hommes de dire, dans sa révélation, tout ce qu'ils veulent et de penser tout ce qu'ils veulent et de faire tout ce qu'ils veulent. Non. Même si il l'a permis dans sa création, dans l'iradat al-kawniyya, hein, dans la création, dans la prédestination, il a permis aux hommes de faire ce qu'ils veulent et de penser ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent, même du kufr et du shirk. Mais il l'a interdit dans sa législation et dans sa révélation. Et si, par exemple, un musulman, il a une autorité ou il a un pouvoir, et qu'il est croyant, c'est son devoir à lui d'interdire ceux qui disent ce genre de choses, ou qui parlent de cette façon, ou qui ont ce genre d'idéologie, et de les arrêter, de les empêcher de propager cette idéologie-là, et ces croyances-là, et ces paroles-là qui sont fausses. Et s'il est même capable de les punir pour ces propos-là, c'est son devoir de le faire, selon les principes et les règles de la charia. Parce que cette liberté, c'est une liberté corrompue. Ce n'est pas une liberté qui fait avancer l'humanité vers le bien. Au contraire, c'est une liberté qui amène les êtres humains vers le mal et vers l'enfer. Donc, toute liberté qui n'amène pas les gens vers le droit chemin, vers le chemin d'Allah, vers le paradis, cette liberté-là, elle est contraire à la vérité, contraire à la révélation. Et il faut donc, par conséquent, la rejeter. Et on voit que chez les koufars, c'est le contraire qu'ils font. C'est-à-dire que tout ce qui est une liberté qui amène les gens vers le paradis, ils veulent l'interdire. Mais ils veulent ordonner toute liberté, hein, ils veulent imposer aux gens tout ce qu'ils considèrent être, hein, yani bon selon leurs principes et leur idéologie. Et si c'est quelque chose, par exemple, qui est ordonné dans la religion qui contredit leurs principes ou leur idéologie de liberté, ils veulent tout faire pour empêcher les croyants de le faire et leur mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher justement d'avancer. Ceci dit, le premier point que le cheikh a mentionné, c'est à propos de l'irada. Et on en a mentionné plusieurs exemples déjà. Le cheikh, il dit, فَالْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ هِيَ مَشِيئَتُهُ لِمَا خَلَقَهُ وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ دَاخِلَةٌ فِي مَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ هِيَ الْمُتَضَمِّنَةُ لِمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا. Donc ici le cheikh il dit en ce qui concerne la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il y a la volonté dans la création et dans la prédestination, et c'est par exemple ce qu'il a voulu, et ça c'est le synonyme de al-mashi'a. Al-iradatul kawniya est là pour synonyme le terme mashi'a, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah a comme volonté dans sa création, dans ce qu'il a créé, et ça touche toutes les créatures. Toutes les créatures entrent dans cette volonté-là. C'est qu'est-ce qu'on appelle al-iradatu al-kawniya, ou bien on peut l'appeler aussi on peut l'appeler al-mashi'a. Tandis qu'il y a aussi al-iradatu diniya, la volonté dans la religion, la volonté religieuse, ou bien la volonté dans la révélation, qu'est-ce qu'il a révélé. Et celle-là, elle comprend ce qu'il aime et ce qu'il a agréé, hein? Et elle comprend tout ce qu'il a ordonné et tout ce qu'il a fait comme tout ce qu'il a rendu comme faisant partie de sa législation et de sa religion. Tout ça fait partie de sa volonté religieuse, sa volonté dans qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers. Et donc le cheikh Al-Fawzan, il dit al-mashi'atu hadha la tanqasim. لا تكون إلا كونية المشيئة لا تكون إلا كونية وهي ترادف الإرادة الكونية. La volonté qu'on appelle l'irada al-kawniya, son synonyme c'est al-mashi'a. Cette volonté qu'on appelle al-mashi'a, elle ne se divise pas en deux catégories. Il n'y a pas al-mashi'a al-kawniya ou al-mashi'a al-shar'iya, non. Il n'y a que la mashi'a qui est kawniya seulement. Hein? Puisque c'est le synonyme de Al-Iradatul Kawniya. Ça, c'est important de comprendre ça. Et quand on voit l'utilisation du terme Mashi'a, et quand Allah dit, par exemple, à propos de quelque chose que Yasha'ahu, hein, il le veut, et tu vas voir que dans la révélation, c'est toujours employé dans le sens de Al-Kawniya, tout le temps. Hein? Tandis que Al-Irada, il peut être utilisé dans le sens de Al-Kawniya. Il peut être utilisé dans le sens de Ash-Shara'iyya. Parce que Allah il va mentionner à propos de certaines choses qu'il veut, ces choses-là, alors qu'elles ne sont pas nécessairement des choses qu'il a ordonnées ou qu'il a permis dans la législation, dans la révélation. C'est la preuve, donc, dans ce cas-là, que la volonté qu'on appelle Al-Irada, ici, peut se distinguer et peut se diviser en deux catégories. Cette distinction et cette séparation, elle est tirée des textes. Hein, de la compréhension des textes et non pas de qu'est-ce que des hommes ont classifié de façon arbitraire. Non, ce n'est pas les ulama qui ont décidé de distinguer ou de séparer ces deux formes de volonté-là. Ces deux sortes de volonté-là sont séparées dans les textes lorsqu'on les récite et lorsqu'on les lit, parce que on voit cette distinction-là clairement. Elle est faite de façon claire dans les différents versets, et on va mentionner des exemples de ça dans yani, les exemples que le cheikh a cités par la suite. Donc, en ce qui concerne la volonté religieuse ou la volonté dans la législation, elle comprend donc tout ce que Allah aime et tout ce qu'il a agréé, comme on l'a dit. Maintenant, cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, wa alaykum salam wa rahmatullah, jami' al-makhlouqat. من المؤمنين والكفار والجن والإنس والشياطين كلهم داخلة في إرادته الكونية وخلقه سبحانه وتعالى كلهم خلقه ويعني خلق إبليس والكفار وخلق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين خلق هذا وهذا من جهة الخلق لا فرق أما من جهة الشرع والجزاء فهناك فرق فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا فقد يريد الله كونا وقدرا ما لا يحبه دينا فالكفر أراده الله كونا وقضاه وهو لا يحبه ولكن قدره وقضاه ليمتحن عباده من باب الابتلاء والامتحان ليتميز المطيع من العاصي وولي الله من ولي الشيطان من باب الامتحان والابتلاء وإلا فهو لا يحبه وأما الإرادة الدينية فإن الله يحبها ويرضاها وسيذكر الشيخ أمثلة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من القرآن. Donc le cheikh il explique ici, il dit que يعني toutes les créatures rentrent dans la volonté dans la création, la volonté de la création, la volonté créationnelle si on veut, ou la volonté dans la prédestination de ce que Allah a prédestiné. Donc toutes les créatures rentrent là-dedans, les croyants et les mécréants, les djinns et les êtres humains et les diables. Elles rentrent toutes dans ce que Allah a voulu dans sa création et dans ce qu'il a prédestiné parce qu'ils sont tous des créatures d'Allah. Allah a créé Iblis, il a créé les kuffars de la même manière qu'il a créé les prophètes, les messagers et les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran justement dans sourate At-Taghabun khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Il vous a créé, alors parmi vous il y a des croyants, parmi vous il y a des mécréants et parmi vous il y a le croyant. Donc ça veut dire que il a créé toutes les créatures sans exception, le croyant, le mécréant, le prophète, le messager et les diables et les shayatins. Donc sur le plan de la création et de la prédestination, il n'y a pas de différence. Hein? Mais sur le plan de la législation et de la rétribution, il y a une différence. Hein? Sur le plan de la législation et la révélation, et sur le plan de la rétribution dans l'au-delà, il y a une différence entre les deux. Et donc, ici, le cheikh, il explique que la volonté dans la création, elle n'implique pas nécessairement, ou elle n'implique pas nécessairement que Allah aime, ou qu'il est satisfait, ou qu'il agrée la personne ou la chose en question. Donc, Allah peut, par exemple, vouloir quelque chose dans la création ou dans la prédestination sans nécessairement l'aimer sur le plan de la révélation et de la religion. Par exemple, le kufr, Allah l'a voulu dans sa création et il l'a prédestiné, mais il ne l'aime pas. Et pourtant, il l'a prédestiné et il l'a décrété pour éprouver les serviteurs. Donc, il l'a créé dans le but de tester et de mettre les hommes à l'épreuve. Et c'est pour distinguer entre le serviteur qui est obéissant de celui qui est désobéissant. Et pour distinguer entre celui qui est un allié rapproché d'Allah ou bien un allié du diable, un ami du diable. Et il dit, et il l'a également donc créé dans le but d'éprouver et de tester les croyants. Mais il ne l'aime pas. Hein? Il ne l'aime pas, celui qui est désobéissant, celui qui est éloigné d'Allah. Allah ne l'aime pas. En ce qui concerne la volonté dans la religion, eh bien, Allah aime cette volonté-là. Tout ce qu'il a ordonné dans la religion, tout ce qu'il a voulu dans sa religion par rapport à l'adoration et aux ordres qu'il a donnés à ses messagers et aux croyants, ça rentre tout dans ce que Allah aime et dans ce qu'il a agréé. Et il va mentionner, le cheikh Ibn Taymiyyah, des exemples de chaque catégorie dans les versets du Coran pour faire comprendre la différence entre les deux. Il dit le cheikh وَهَذِهِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Hein? Donc la volonté dans la religion, c'est la volonté qui est spécifique et qui est reliée en particulier à la foi et aux bonnes œuvres. Et il dit par exemple قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ولكن نعم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. Et ici, le cheikh, donc, il a cité des exemples dans le Coran, dans lequel on trouve l'expression ou le verbe de vouloir, qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Arada yuridu. Et le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 125 dans Surat Al-An'am. Donc, on va lire ensemble ce verset-là, et qu'est-ce que ce verset a comme signification? Naam, on a dit 125. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et puis, quiconque Allah veut guider. Donc le terme qui est employé en arabe ici, c'est yurid. Yurid, il est majzoum ici. Arada yuridu, c'est un verbe qui est muallal, parce qu'il a une harf illa au milieu. Arada yuridu. Et lorsqu'il y a une harf illa dans un verbe, lorsqu'il est majzoum, cette harf, elle est mahzouf, elle est supprimée. Enlevé du mot, du verbe. C'est le signe du jazm. Alamatul jazm pour le verbe lorsqu'il est muallal. Il va, on va lui enlever la harf illa, soit le waw ou le alif ou le ya. Et ici, on dit faman yurid. Faman yurid, au lieu de yurid. D'accord? Pourquoi c'est yurid? Parce qu'il est majzoum. Faman yuridillahu. Donc, celui pour qui Allah veut. Donc, ici, il y a le verbe vouloir qui est employé. Celui pour qui Allah veut le guider. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il veut que ses créatures soient guidées? Oui. Mais cette volonté-là, c'est la volonté religieuse ou la volonté dans la création? Shara'iyya. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Allah aime. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'autre partie du verset? Et quiconque Allah veut égarer. Donc, encore une fois, le verbe, yurid, il est mentionné ici. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ. Celui que Allah veut égarer. Ici, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime égarer les hommes ou que les hommes soient égarés? Est-ce que Allah aime ça? Non, il n'aime pas ça. Donc, cette volonté ne fait pas partie de la volonté religieuse. Ça fait partie de la volonté dans la création. Al-iradatu al-kawniya. Et le terme kawni, ça veut dire il y en a dans la création, al-kawn, la création. Ok, donc il dit, le verset donc signifie: et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Il rend sa poitrine à l'aise. Yashrah. Ça veut dire ouvrir ou expandre. Il lui expand sa poitrine. Il rend sa poitrine à l'aise par rapport à l'islam. Dans son cœur, il ressent la paix par rapport à l'islam. Il va aimer l'islam. Et il dit: et quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée par rapport à l'islam. Et ça, tu le vois tout de suite chez les êtres humains. Lorsque quelqu'un, tu lui parles de l'islam et il sent son cœur qui s'ouvre. Sa poitrine qui s'ouvre, il est content de l'islam. Il aime l'islam. Tandis que tu parles avec quelqu'un d'autre de l'islam, tu le sens gêné, comme si sa poitrine était étroite. Hein? Et ça, tu le vois tout de suite. Il dit, c'est comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Hein? C'est comme si pour dire, il s'élève dans le ciel, sa poitrine est écrasée. Hein? Il dit, c'est ainsi que Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas, parce qu'ils ont renié la foi. Hein? Et c'est comme ça, des fois, tu vois des gens, tu leur parles de l'islam, et ils aiment la foi, ils aiment la piété, ils aiment le bien, ils aiment la soumission. Alors, tout ce que tu leur dis de l'islam, ils l'aiment. Et ils sont épanouis par rapport à l'islam. Leur poitrine s'expand et s'ouvre parce que leur cœur est en paix par rapport à l'islam. Ils aiment Allah. Tandis que d'autres personnes qui n'aiment pas Allah, ou qui n'aiment pas la foi, qui n'aiment pas le tawhid, tu leur parles de l'islam, ça les gêne, ça les dérange. Hein? Tout ce qu'ils entendent de l'islam les éloigne. Hein? C'est l'exemple. Moi, je vous dis par exemple, juste un exemple par rapport à ça que je me rappelle tout le temps. Ma mère, rahimahullah, avant l'islam, elle disait, elle m'a dit, quand j'entendais parler de l'islam, et les femmes qui ont le voile et tout ça, elle dit, moi là, ça m'attirait tout le temps ces choses-là. Et j'ai toujours aimé ça. Hein? Parce qu'elle, elle était, disons, une personne qui aimait beaucoup la religion, et qui aimait beaucoup la pudeur et des choses de ce genre. Malgré qu'elle n'était pas musulmane, tandis qu'une autre personne, hein, une autre femme, par exemple, tu vas lui parler de l'islam, elle dit, oh, moi, je ne peux pas supporter de voir les femmes avec le voile, le hijab, c'est de l'oppression. Hein? Alors que ma mère, qui n'était pas du tout musulmane, qui n'était pas du tout élevée dans la culture musulmane, hein, qui était une Canadienne, Française, Québécoise, et pourtant, elle, tout à fait l'opposé. Elle entendait parler de ça, c'est quelque chose qui, au contraire, qui l'attirait plus. Elle aimait ces choses-là, elle trouvait ça bon, elle trouvait ça beau. Et des fois, tu rencontres, par exemple, certaines femmes musulmanes, quand je parle, par exemple, en particulier par rapport à ma mère, qui elles, ont une aversion vis-à-vis de l'obéissance et de la foi. Et qu'elles, justement, contrairement aux vraies musulmanes, elles ont une aversion vis-à-vis du voile, vis-à-vis de la pratique religieuse, vis-à-vis de la foi. Et donc, quand elles rencontraient ma mère, elles essayaient de faire leur discours, hein, pour essayer de dire, ah, elle, c'est une femme québécoise, donc je vais lui parler, hein, pour lui dire comme si, me plaindre de la religion musulmane, de me plaindre du voile et des choses comme ça. Donc, elle commençait à dire des choses comme ça à ma mère. « Oh, vous savez, nous, on ne se voile pas, hein? on est libérés, hein? On est dans nos pays, là, on est comme ici. Hein? » Et ma mère, elle les regardait, ces femmes-là, elle me dit, « Mais pourquoi? C'est bien le voile, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre ça? Hein? » Comme si, alors là, elle ne comprenait plus rien. Comment ça se fait, cette femme-là? Nous, on pensait qu'elle allait être contente quand on allait lui dire qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et là, on voit qu'au contraire, elle se met contre nous, hein, par rapport à ça. Donc, c'est pour dire, Allah, c'est lui qui guide, qui il veut. Il égare qui il veut. « Yukhrijul hayya min al mayyit, wa yukhrijul mayyita min al hayy. » Il fait sortir du vivant, le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant. Des peuples mécréants, il fait sortir les croyants, et des peuples, des croyants, il fait sortir des koufars, des fois. Des gens qui sont nés dans des familles musulmanes qui quittent la foi pour aller dans le kufr. Naam. Donc, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, ici, le cheikh, il explique ce verset-là, et il mentionne un autre verset, qui est le verset 34 dans surat Hud. Et c'est la parole de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit, hein, « Et mon conseil ne vous profitera pas au cas où je voulais vous conseiller et que Allah veuille vous égarer. Hein? » Donc ici, il mentionne que Allah veut, hein, si moi je veux vous conseiller, mais Allah veut vous égarer, ça ne vous profitera pas, qu'est-ce que je vous dis? C'est-à-dire, tu parles avec des koufars. Tu les appelles à l'islam. Tu peux leur dire comme Nuh alayhi salam a dit à son peuple, Moi, je peux vous expliquer toutes les règles et tous les principes par rapport à la foi et la religion, mais si Allah, hein, veut vous égarer, ça ne va pas rien vous profiter en quoi que ce soit. Hein. C'est Allah qui guide. C'est pour ça que tu vois l'erreur de ceux qui, par exemple, lorsqu'ils font la da'wa à l'islam, ils essaient de déformer l'islam pour essayer de satisfaire les kuffars. Ils leur disent des choses contraires à la vérité pour essayer de les attirer à l'islam en pensant qu'en déformant l'islam, ils vont essayer de rendre l'islam plus attrayant pour les faire accepter l'islam. Et ça, c'est du mensonge. Et ça, c'est interdit. Hein? Tu peux pas mentir pour faire la da'wa par le mensonge. C'est totalement inacceptable de faire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens de bid'a et des ikhwan en particulier, des soufis, ils disent des mensonges sur Allah et sur son messager, pensant vouloir faire du bien et pensant vouloir défendre la religion, alors qu'en réalité, ils ne font que mentir et déformer la réalité. Et en agissant ainsi, ils risquent de faire deux choses très graves. Faire accepter à des gens l'islam pour qu'est-ce que l'islam n'est pas. Ou faire éloigner des gens de l'islam qui, eux, cherchaient la vérité et vont la rejeter parce qu'on leur a présenté des choses d'une façon déformée. Hein? Donc, par exemple, si quelqu'un, une femme, par exemple, comme l'exemple que j'ai mentionné par rapport à ma mère, rahimahullah, hein? Si une femme qui venait lui parler pour l'appeler à l'islam, qui lui disait, par exemple, non, le voile, ça n'est pas obligatoire dans l'islam, ou ça ne fait pas partie de l'islam. Elle n'aurait pas été attirée par l'islam si c'était comme ça. Elle aurait dit, ben, s'il n'y a pas de voile dans l'islam, et si la femme, elle n'a pas besoin de se couvrir pudiquement dans l'islam, alors dans ce cas-là, pourquoi je vais devenir musulmane? Ça, c'est juste un exemple. C'est sûr que la base de l'islam, c'est le tawhid, et c'est ça le plus important. Mais ça peut être un des éléments que si on le déforme, ça déforme la religion aussi. Par exemple, que si quelqu'un, il accepte le tawhid, il accepte la base de la foi, mais que par la suite, dit, moi, je ne crois pas au hijab. Ça, c'est du kufr. Sa foi ne va pas être valide. Pourquoi? Parce qu'il a renié quelque chose qui fait partie de la religion. Donc, quand tu veux être musulman, il ne faut pas accepter seulement le tawhid. Il faut accepter le tawhid et tout ce qui vient avec. Tu ne peux pas commencer à prendre une partie puis laisser l'autre. Ce n'est pas la même chose de dire, par exemple, que si une femme, par exemple, elle se convertit à l'islam, elle accepte le tawhid, mais qu'elle ne porte pas le hijab tout en reconnaissant que c'est obligatoire, ça c'est autre chose. Elle commet un péché, mais c'est tout de même mieux pour elle d'être musulmane et de commettre un péché que d'être mécréante et de mourir sur le kufr et d'aller en enfer pour l'éternité. Ou de mettre un voile sans croire en l'islam. Alors dans ce cas-là, si tu es dans le shirk et tu portes le voile, il y a des femmes, par exemple, parmi les mushrikates, que ce soit des chrétiennes ou des religieuses chrétiennes ou bien d'autres religions qui adorent des idoles ou qui prient à des prophètes ou à des morts ou à des saints et qui portent le voile ou qui s'habillent pudiquement et malgré tout, elles sont des mushrikates. Donc ça ne va pas les faire rentrer au paradis. Mais c'est de comprendre les choses comme il faut et de ne pas déformer la réalité. Alors que d'autres personnes, on leur a présenté l'islam d'une façon, puis on leur a dit certaines choses qui sont fausses par rapport à l'islam, intentionnellement, en pensant qu'en faisant ça, on allait les attirer. Une fois qu'ils sont devenus musulmans, ils ont fait des recherches, ils ont réalisé que qu'est-ce qu'on leur avait donné comme information, c'était contraire à la vérité. Alors, ils ont renié l'islam, ils ont dit, vous m'avez menti. Vous m'aviez dit que l'islam c'était comme ça, alors qu'en réalité c'est pas ça. Et moi je crois pas en ça, alors ils rejettent. Hein? Donc ils sont égarés. Mais c'est pas en déformant la réalité que tu vas attirer les gens à être sincères. Comment tu vas les. Toi, tu veux les sauver de l'enfer, mais en même temps tu peux pas changer leur cœur. Et si ces gens-là ont une aversion contre la vérité, ben tu penses qu'en changeant la vérité, tu vas enlever cette aversion-là qu'ils ont? Non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Soit tu l'acceptes, ou soit l'islam, tu l'acceptes tel qu'il est, ou sinon tu l'acceptes pas. Mais on ne peut pas te faire une version spéciale pour toi seulement. Tu dis, oh, ben, moi, je vais avoir une version particulière de l'islam pour moi seulement, parce que moi, j'aime pas telle ou telle affaire, là. Islam à la carte. Hein? Islam à la carte. Tu coches les cases que tu aimes. Puis les choses que tu n'aimes pas, tu les exclus. Non, c'est pas comme ça la soumission. C'est pas comme ça la foi. La foi, c'est tu acceptes tout et tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as été capable de reconnaître que la base est vraie et que les fondements sont vrais, puis que par la suite, il y a des éléments qui te déplaient ou que tu trouves moins intéressants parce que tu n'as pas encore saisi leur profondeur ou leur sagesse, hein, mais au moins accepte avec confiance de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces ordres-là que tu ne comprends pas encore. Et puis peut-être avec le temps, Allah il va te les faire comprendre. Ou bien sinon, à la limite, c'est de dire, je n'ai pas compris la sagesse qui est derrière ces choses-là, mais je m'en remets à Allah et je fais confiance à sa sagesse et à sa connaissance et à ce qu'il a prédestiné pour les êtres humains de bien. Hein? Et ça, c'est... Hein, au moins dans cette attitude-là, il y a l'attitude du croyant qui est d'accepter, même s'il n'a pas compris, de se soumettre à Allah. Tandis que celui qui adopte une attitude en disant « Non, moi, si j'accepte, si j'ai pas compris quelque chose, je le rejette », eh bien ça, c'est un chemin dangereux. C'est un chemin vers l'enfer. Et c'est le chemin du shaitan en réalité. Hein? Donc, il faut faire très attention à ça. Et le cheikh ici, il dit... Cheikh Al-Fawzan, il explique les deux versets qu'on a mentionnés, le premier et le deuxième. Donc, il dit « Al-iradatu al-diniya muhtassatun bil-imani wal-amal al-salih. Amma al-iradatu al-kawniya, fahiyya la takhtassu bil-imani wal-amal al-salih, wahiyya tashmal al-kufr wal-iman, wa tashmal al-amal al-batil wal-amal al-salih, kulluhu biqada'illahi wa qadarihi. » Donc, il dit le cheikh ici que la volonté religieuse, elle est spécifique à la foi et aux bonnes œuvres. Tandis que la volonté dans la création, eh bien, elle n'est pas spécifique à la foi et aux bonnes œuvres. Elle comprend tout. Elle comprend la foi et la mécréance. Elle comprend les actes dans le faux et les actes dans le bien. Parce que Allah a tout créé et il a tout prédestiné de façon générale. Hein? Et ensuite, il dit, par rapport au premier verset qu'on a lu, le verset 125 dans Sourate Al-An'am, il dit « Fahadihi fiha al-iradatan » فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهَذِهِ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ هَذِهِ الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةِ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا الْهِدَايَةُ لَهَا أَسْبَابُ وَهِيَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالضَّلَالُ لَهُ أَسْبَابُ وَهِيَ الْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ. Donc il dit le cheikh que dans ce verset il y a les deux volontés réunies ensemble qui sont mentionnées. La première, c'est la volonté dans la religion. Lorsqu'il dit « Celui pour qui Allah veut le guider, hein, il va ouvrir sa poitrine à l'islam, ouvrir, expandre sa poitrine vis-à-vis de l'islam. » Ça, c'est la volonté dans la religion. Pourquoi? Parce que d'accepter l'islam, c'est ce que Allah a voulu de la part de ses créatures dans sa révélation. Et c'est ce qu'il aime de ses créatures. Si on te demande, par exemple, est-ce que Allah, il veut que toute l'humanité soit musulmane? Oui, il veut que toute la création, toute l'humanité soit musulmane. Il veut qu'elle soit toute musulmane. Et la preuve de ça, c'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets de croire, hein, à toute l'humanité. Il ordonne à toute l'humanité, à tous les êtres humains, sans exception, de croire en lui et de croire en son messager et de suivre son messager. Donc ça, c'est la preuve qu'il veut ça. Et ça, c'est la volonté dans la religion. Maintenant, en ce qui concerne la volonté dans la création, eh bien, c'est la partie du verset qui suit. C'est lorsqu'il dit « Et celui pour qui Allah veut, hein, qu'il soit égaré, eh bien, ça, c'est la volonté dans la création, il rend sa poitrine étroite. » Et il explique par la suite, le cheikh, qu'il faut comprendre ici par rapport à la guidance et l'égarement que chacun des deux ont des causes auxquelles elles sont reliées. Donc la guidance, elle a des causes. La guidance est reliée à certaines causes. Et ces causes-là, c'est les bonnes œuvres que quelqu'un fait et la foi. Ça, c'est la cause pour la guidance. Et les causes de l'égarement, il y a aussi des causes à l'égarement et ces causes-là, c'est le péché et la mécréance. Ça, c'est des causes de l'égarement. Donc, celui qui fait les causes pour être guidé, Allah va le guider. Celui qui fait les causes pour être égaré, il va être égaré. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il est sage. Donc, il est le guide, il est celui qui guide et il est celui qui égare. Mais en même temps, il guide selon sa sagesse et il égare selon sa sagesse. D'accord? Et la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas faire quelque chose pour rien. Hein? Il fait quelque chose pour une raison. Et il y a un lien qui est rattaché. Hein? Et ce lien-là, c'est cette sagesse. Maintenant, en même temps aussi, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste aussi. Il est juste. Hein? Donc, il est sage, il est juste. Et ça, tu le trouves tout le temps mentionné ensemble. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah alim. Inna Allah azizun hakim. Et tout le temps, il mentionne sa sagesse parce que sa puissance est reliée toujours à sa sagesse. Et sa connaissance est reliée à sa sagesse. Tout est relié à sa sagesse aussi. Donc, tout ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait avec sagesse. Même dans le verset, par exemple, quand il dit Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha' Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Donc Allah, il mentionne par rapport à la guidance, hein, ceci est un rappel. Alors que celui qui désire ou celui qui veut qu'il prenne le chemin vers son Seigneur. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah l'a voulu. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Il mentionne ici sa connaissance et sa sagesse. Et il dit يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. Il fait rentrer qui il veut dans sa miséricorde. Donc tout ça c'est par rapport bien entendu hein, à sa sagesse, sa connaissance et à sa justice. Donc il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas avoir peur que Allah te fasse une injustice. Il faut pas, parce que Allah il n'est pas injuste envers ses créatures. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. La yadhlimu mithqala dharra. Il ne fait même pas un poids d'une atome d'injustice. Si tu es sincère dans ton cœur et que tu veux la guidance et que tu veux être sur la vérité et que tu fais les causes nécessaires pour la suivre, cette vérité, c'est certain et c'est garanti à 100% que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider. Naam. Tu fais les causes et le reste, Allah il s'en occupe. Et ensuite, par rapport à l'autre verset, Huwa rabbukum wa ilayhi turja'un wa shahidu qawluhu in kana Allah yuridu an yaghwiyakum hadhihi al-iradatu al-kawniyya allati la hilata fiha. Donc, le verset dans Sourate Hud, le verset 34, eh bien, ça, c'est la volonté dans la création. La volonté dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres exemples qui sont mentionnés. Mais il est déjà 6h20. Donc, on va s'arrêter ici pour ce qui est de ce sujet. On continuera demain la suite, Inch'Allah. Puis, pour l'instant, on va s'arrêter ici. Après, on va faire le tafsir de Surat Al-Imran. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.